plane împreună la inimă. Was sec la vacolo, eu vou cair me mãe. Um filho doit avoir um père. Rendons au père son fils en l'acceptant. Oublions la polémique, c'est les choses de la vie. Prenons le pardon. Reconstituons la famille. Salam.